Message reçu lundi 01 avril à 19h13. Pour réécouter le message, faites le 1. C'est plus compliqué, mais c'est plus dense, plus consistant. Tu le sais bien, mais tu l'inconfort. Pour réécouter le message, faites le 1. C'est plus compliqué, mais c'est plus dense, plus consistant. Tu le sais bien, mais tu l'inconfort. Je t'embrasse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens bien que tu débutes. I'm gonna be We'll be right back. La demi-forme se

Inspiration magique d'une pierre noire. Yeah. parole avec toi. Notre amour aurait pu ne pas être à ce moment.